Exercice 9, page 69. A. Il en faut un jaune. Transformer. Il en faut deux jaunes. B. Il en faut un lot. Transformer. Il en faut deux lots. C. Il en faut un seau. Transformer. Il en faut deux seaux. D. Il en faut un autre. Transformer. Il en faut deux autres. E. Il en faut un rose. Transformer. Il en faut deux roses. F. Il en faut un gros. Transformer. Il en faut deux gros.